Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est l'émission Forum Jeune de tous les lundis à 17h. Ce sont des personnes qui ont le courage de concrétiser leurs rêves, d'ignorer les risques et d'utiliser leur plein potentiel de créativité pour innover. Ils voient des possibilités et des solutions là où les autres voient des problèmes et qui savent ensuite saisir ces opportunités. Ce sont les entrepreneurs. L'entrepreneuriat est un domaine longtemps exploré par les adultes. Ces derniers jours, ils ouvrent des portes à des jeunes ambitieux qui redéfinissent les règles du jeu de par l'exploitation des secteurs non envisagés par les adultes. On peut parler à titre d'exemple de création de vêtements ou de bijoux, de livraison à domicile de la nourriture et plein d'autres activités. Quels sont les avantages que présente l'entrepreneuriat à l'endroit des jeunes? Quelles sont les contraintes que rencontrent les jeunes dans ce domaine? Et l'entrepreneuriat est-il une opportunité pour ces jeunes? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons dans nos studios Emile Wezowandani qui vient de faire une formation en entrepreneuriat. Je rappelle d'abord le nom, c'est Emile Wezowamungu, qui vient de faire une formation en entrepreneuriat aux États-Unis dans le cadre du programme YALI, qui est Youth African Leaders Initiative. Bonjour et bienvenue. Bon après-midi. Nous avons également Hugues Rulemesha, qui est comptable de formation et qui travaille également sur l'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue. Bon après-midi. Je vous rappelle également que cette émission, vous pouvez la suivre sur le site de la radio www.isanganiro.org ou sur la page Facebook de notre émission qui est Forum Jeune / Radio Isanganiro. À la présentation de l'émission, c'est Alida Ikeza et Toussaint Mitewoti assure la mise en onde. Isanganiro. La radio de l'avenir. Pour entrer dans le vif du sujet, commençons par Emile Wezowamungu. Comment avez-vous commencé avec l'entrepreneuriat? Moi, donc, avec l'entrepreneuriat, ça a été une vocation depuis le bas âge. Depuis l'école primaire, je pensais avoir à faire quelque chose de spécial en matière de l'entrepreneuriat, en matière de l'innovation. Voilà, que je peux amener les choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Mm-hmm. Et puis, après l'école secondaire, j'ai eu la chance d'abord de travailler dans une entreprise. Et puis là, c'était non pas de gagner l'argent, mais je voulais vous savoir comment les entreprises fonctionnent. Et puis, après quelques moins de 2 ans, mm-hmm. j'ai eu donc l'idée de créer mon entreprise mm-hmm. au moment où je commençais même à l'université. Mm-hmm. À l'école secondaire, vous dites que vous avez travaillé dans une entreprise. À la fin. Si oui. Ce n'est pas indiscret, c'était une entreprise qui faisait quoi? C'était une entreprise, un cabinet, donc un cabinet en matière de... Et en matière de construction, d'hygiène civile, mm-hmm. mais surtout qui était basé sur les études sur les microcentrales hydroélectriques. Mm-hmm. C'était un stage, une formation à temps plein? Non, c'était donc mon premier emploi. Mm-hmm. Yeah. Donc vous étiez déjà engagé? Oui, j'étais déjà engagé, mais j'ai été engagé là après à peu près 6 mois de volontariat mm-hmm. dans l'urbanisme. Mm-hmm. C'était votre domaine? Oui. La construction? Oui, évidemment, mm-hmm. oui. Vous avez voulu continuer dans le domaine qui vous passionnait déjà? Et c'était d'abord, j'aimais beaucoup le génie civil, la construction, mm-hmm. et puis j'ai fait l'école des travaux publics, mm-hmm. et après l'école des travaux publics, j'ai fait le volontariat à l'urbanisme, mm-hmm. là où j'ai rencontré, donc c'est lui qui m'a fait le premier emploi. Donc on peut dire que vous étiez déjà passionné par la construction? Oui, évidemment oui, mm-hmm. je devais être ingénieur depuis longtemps. Mm-hmm. Et Hugues, comment appréciez-vous, comment suivez-vous l'action des jeunes entrepreneurs ici au Burundi? Premièrement, je dirais que, dans mon exemple, c'est après avoir fini mes études secondaires mm-hmm. que je suis devenu un leader d'une organisation mm-hmm. de jeunes. Mm-hmm. C'est par après faire les différents projets mm-hmm. que j'ai constaté qu'il m'était vraiment difficile de trouver des sponsors. Et je me suis dit par après que je devrais moi-même créer une entreprise mm-hmm. qui devrait soutenir différentes activités de mon organisation. Mm-hmm. Je dirais que l'entrepreneuriat est venu comme une réponse, un remède dans notre organisation. Mm-hmm. Donc, avec les recettes ou bien le résultat qu'on obtient dans cette entreprise, et nous aide à faire ou bien améliorer nos activités dans notre organisation. Mmh. Oui. Si vous vous êtes réunis avec les autres pour créer une entreprise ou faire ou créer une association, comment vous le faites? Est-ce que vous déterminez qu'il y a un besoin que vous voulez combler? Comment ça se fait concrètement pour créer quelque chose, pour répondre? C'est que vous avez déjà constaté qu'il y a une demande ou une nécessité ou un besoin. Comment vous avez fait, vous? Je dirais que la plupart des jeunes ont le même besoin. Les jeunes qui terminent leurs études trouvent du mal à trouver de l'emploi. Donc, on a constaté que plusieurs jeunes ne sont pas conscientisés, n'ont pas cette mentalité de créer leurs propres emplois. C'est pour cela qu'on a créé une organisation pour réunir différents jeunes en provenance de différents coins du pays pour juste les aider à changer cette mentalité. Qu'ils soient conscientisés qu'on n'est plus dans le passé où les emplois étaient faciles à trouver, mais qu'aujourd'hui, il faut à tout prix utiliser leur potentiel, leur talent pour subvenir à leurs besoins. À travers ce que Hugues vient de dire, on peut sentir que l'on devient entrepreneur parce qu'il y a un manque de travail. C'est la même opinion. Quant à vous, Émile. Normalement, les gens ont pensé beaucoup à l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas de l'emploi ici au Burundi. Donc, on peut dire que c'est pour pallier au manque d'emploi. C'est ici au Burundi ou bien en Afrique. Mais les gens qui dans les pays développés, ce n'est pas la même chose. On pense à l'entrepreneuriat pour apporter une solution nouvelle à un problème quelconque dans la communauté. Et puis, dans le processus de chercher donc la solution, on trouve des solutions, non pas des solutions seulement des problèmes, mais on trouve des solutions qui apportent de l'argent à celui qui a trouvé cette solution. Donc, ce sont les deux contextes, les deux situations qui sont un peu différentes là, mais quelquefois, ça peut être combiné. Donc, si tu termines les écoles, les études et que donc ça va bien et tu trouves que tu as de l'emploi, tu as l'accès facile à l'emploi où tu gagnes beaucoup et quelquefois c'est difficile de penser à créer de l'entreprise. Mais ici, comme on n'a pas l'accès à l'emploi ici en Afrique, au Burundi, on peut penser à l'entrepreneuriat. Mais le fait de penser à l'entrepreneuriat, il ne faut pas que ça soit quand même que tu n'as pas de l'emploi, de l'orienter dans le sens « j'ai créé de l'entreprise parce que je n'ai pas d'emploi », mais plutôt de dire « je n'ai pas eu de l'emploi et je me suis lancé en entrepreneuriat ». Et dans l'entrepreneuriat, pour ici à l'entrepreneuriat, j'ai essayé de trouver des solutions à des problèmes qui sont dans la communauté, et en trouvant ces solutions, j'ai pu avoir quelque chose que je vais vendre aux gens qui ont besoin de ces choses-là que je viens de mettre en place, que ce soit produit ou service. Et dans ce cas, j'ai eu de l'argent et j'ai employé les gens, j'ai eu donc mon emploi, et ainsi de suite. Oui. Justement, vous dites que ce n'est pas seulement se focaliser sur le manque d'emploi, mais il y a d'autres opportunités. Il y a des opportunités qui s'offrent à quiconque touche à l'entrepreneuriat. Concrètement, par rapport à vos... qu'est-ce qu'on peut dire comme avantage avez-vous tiré de l'entrepreneuriat? Non, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est un peu bon, mieux. Et encore, c'est un domaine vraiment qui est beaucoup bénéfique en tant que patriote. Donc, c'est très bon quand même de penser à apporter de nouvelles solutions. C'était bon de penser à apporter donc des valeurs ajoutées dans la communauté en créant des opportunités pour les autres. Donc c'est un domaine qui est bon, où je peux appeler beaucoup déjà à y penser. Donc dans notre pays, dans notre Afrique, où on ne vit pas vraiment de la culture entrepreneuriale, de voir comment les gens peuvent penser beaucoup plus à l'entrepreneuriat, parce que l'avantage qui est là, d'abord, ça t'aide vraiment à penser beaucoup à la communauté. Et si tu penses à la communauté, tu développes ton leadership. Et tu développes ton leadership, c'est bien quand même de quitter son monde, à ne pas le laisser comme tu l'as trouvé. Et donc la meilleure voie pour le faire, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça la voie qui est beaucoup plus rapide et qui est plus concret. Hugues, le plus souvent on dit qu'il y a un problème, c'est un problème qui est souvent soulevé par par les jeunes ou par ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui disent qu'il y a un frein qui est les moyens financiers pour commencer à se lancer dans l'entrepreneuriat concrètement pour vous. Les moyens sont un frein ou c'est parce que nous voulons viser très haut alors qu'on n'a pas commencé petit à petit? D'un côté, je dirais que ce n'est pas un frein. Mm-hmm. D'un autre côté, je dirais que c'est un frein. Mm-hmm. Comment? Ce n'est pas un frein parce que, avant tout, il ne faut jamais se limiter sur le capital qui tu dois avoir pour commencer. Mm-hmm. Mais il faut à tout prix voir ou bien analyser de quel genre de projet tu dois initier. Donc, il faut commencer par un petit projet, par après le développer, oui, oui. Donc pour avoir une vision, disons, grandiose. Je dirais que la force majeure qui pousse un entrepreneur d'entreprendre, de commencer sa propre entreprise, c'est bien et bien la passion. Mm-hmm. Il faut que la passion soit là. Il faut que tu te dis, alors, ce n'est plus une question de choix, c'est une question d'obligation. Je dois à tout prix commencer ce projet. Tout d'abord, il faudra d'abord déterminer le domaine dans lequel tu es le plus excellent. Oui, je dirais que c'est comme ça. Émile, on ajoute par rapport à ça? C'est juste pour compléter ça, ce qu'il vient de dire. Normalement, et comme je te l'ai dit, si tu penses donc à l'argent avant de commencer ton entreprise, c'est une erreur grave. Parce que normalement, il faut penser à une solution que tu veux apporter. Et une solution est basé sur l'idée. Et si tu as une très bonne idée, ça veut dire que donc une bonne idée, c'est même la signification d'une bonne idée, une idée qui est faisable. Donc qui est faisable et qui dit faisable, donc quelle que soit la sorte de l'idée, c'est donc l'idée faisable, c'est l'idée avec qui tu peux commencer petit et grandir progressivement. Et si tu commences vraiment à une idée, une belle idée et que tu ne peux pas commencer, c'est grave de dire, c'est difficile de dire c'est une bonne idée alors que tu n'es pas à mesure de commencer. Normalement, une bonne idée est mesurée en fonction de celui qui veut commencer l'entreprise. Et si tu as vraiment une bonne idée, l'argent te poursuit. Ce n'est pas toi qui dois aller courir derrière ça. L'argent. L'argent donc aime beaucoup une bonne idée parce que l'argent aime se multiplier. Donc c'est un peu philosophique en matière de l'entrepreneuriat. Et il y a ce qu'on appelle le, en anglais, design thinking for entrepreneurship. Donc, c'est le système de penser en matière de l'entrepreneuriat. Donc, il faut vraiment commencer l'idée qui est adaptée au contexte. Et si on parle du contexte, il y a les moyens, il y a la capacité intellectuelle, il y a donc tout le contexte donc de la localité, de voir quand même commencer une idée qui est adaptée à la réalité dans laquelle tu es. Et oui. Dans ce sens, donc, tu ne peux pas dire que tu es au Burundi, tu veux commencer et Benz ici, c'est difficile. Il faut commencer avec les choses que tu es capable de faire avec ton entourage. Sur ce même point, vous dites que on ne peut pas limiter nos réflexions, on ne peut pas limiter dans les domaines dans lesquels on peut travailler. Mais pour vous, quels ont été les inconvénients ou les contraintes que vous avez connues quand vous avez commencé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? D'abord, moi, j'ai l'expérience de 7 ans en matière de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'au premier moment, j'ai eu des difficultés de penser que si une fois avoir beaucoup d'argent, je peux progresser. Mais j'ai pu découvrir que ce n'est pas l'argent qui me manquait, mais c'était donc le fait de ne pas comprendre réellement ce que c'est l'entrepreneuriat, ce qui est l'entrepreneur. Oui. Mais donc, ce sont des contraintes qui se posent souvent dans la communauté, dans la jeunesse, où les gens ont besoin de commencer les entreprises alors qu'ils n'ont pas eu l'accès aux informations et aux ressources, donc du côté intellectuel qui les aide à comprendre d'abord ce qu'ils vont faire. Les autres contraintes qu'ils ont, ça veut dire le fait de penser grand et ne pas voir comment dimensionner ton idée. Donc, ce que j'ai dit, donc commencer petit et grandir progressivement. Vous êtes toujours dans le domaine de la construction? Non, c'est un peu... Ça s'est diversifié? Moi, j'ai une entreprise de construction que j'ai commencé il y a 7 ans, mais pour le moment, je suis comme investisseur dans cette entreprise. Donc, pour le moment, je travaille dans Parge, en tant que fondateur et directeur exécutif de Parge, parc des jeunes entrepreneurs. Et je travaille encore en tant que consultant et en matière de l'entrepreneuriat et l'innovation sociale pour le cabinet donc régional Innova Group. Oui. Pour vous, Hugues, vous qui suivez de près le domaine de l'entrepreneuriat ici au Burundi, quels sont les inconvénients ou les contraintes que vous avez déjà diagnostiquées dans ce domaine à l'endroit des jeunes ou des adultes? Je dirais que les jeunes trouvent ça amusant. Donc, entreprendre, c'est comme s'ils s'amusent. Ils sont en train de faire quelque chose qui non pas professionnellement. Donc ils ne prennent pas ça au sérieux. Yeah, ils ne prennent pas ça au sérieux. Mm-hmm. Donc ils devraient y avoir un système de rendre leur projet professionnel. Mm-hmm. Donc c'est juste pour avoir un plan d'affaires, prendre aussi des risques. Il faut qu'ils savent que pour entreprendre, il doit y avoir des risques. Donc il faut qu'ils soient à mesure de surmonter ces risques. Donc, il faut aussi chercher des investisseurs, pourquoi pas. Il ne faut pas juste se limiter à dire j'ai un projet, je manque d'argent, je fais ceci et cela. Donc, ils devraient présenter leur projet professionnellement, chercher des investisseurs, des partenaires pour que leur projet soit réalisable. Chers auditeurs, vous suivez l'émission Forum Jeunes qui se tient dans les studios de la radio Isanganiro. Si vous êtes à Bujumbura, c'est 89.7. C'est tous les jours de lundi à 17h. Dans nos studios, nous sommes avec Emile Wezoamungu, qui vient de faire une formation en entrepreneuriat aux États-Unis, et Hugues Rulemesha, qui est comptable de formation. Concrètement, Emile, êtes-vous satisfait par l'étape déjà franchie par l'entrepreneuriat ici au Burundi? Moi, je ne suis pas satisfait. Parce que comme mon ami vient de le dire, donc les gens, beaucoup déjà s'amusent. Ils cherchent, ils font l'entrepreneur. Je suis entrepreneur en ne pas comprendre, sans comprendre réellement ce qu'il doit faire comme entrepreneur et comment ils doivent le vivre. Donc moi j'ai vu quand même qu'on a un besoin très sérieux du renforcement des capacités dans le sens de professionnaliser, de prendre ça comme un métier. Et il y a les gens qui disent, moi je travaille pour le ministère tel, je travaille pour tel ONG, mais je suis entrepreneuriat. Normalement, pour être un bon entrepreneur, il faut être dans ton entreprise, non pas être en dehors de ton entreprise. Donc, ne pas travailler pour quelqu'un d'autre. Oui, donc c'est dans ce sens que les gens cherchent à s'amuser. Et puis, on a aussi l'autre contrainte. Tout le monde, ils ont vu que dans les OMD, on a des créations d'emplois entrepreneuriat. Et ils ont dit, OK, nous allons commencer des programmes de l'entrepreneuriat. Et puis, tu cherches réellement ce qu'il faut en matière de l'entrepreneuriat. Ils disent, non, nous encadrons les jeunes dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, oui. Donc, le fait de dire je fais ça en entrepreneuriat, mais n'est pas vraiment le faire comme l'entrepreneuriat l'exige, c'est un problème. Donc, on est dans le contexte vraiment que ce soit pour les organisations, que ce soit l'État, où on ne comprend pas réellement ce qu'on a à faire pour bien développer ce domaine de l'entrepreneuriat, qui est une base de développement dans d'autres pays déjà développés. Donc, je vois vraiment que le pas franchi. Oui, j'encourage quand même ceux qui ont déjà pris cette initiative, donc cette direction vers l'entrepreneuriat, mais je les encourage beaucoup plus à continuer à développer, à explorer et à savoir ce que c'est réellement l'entrepreneuriat. Oui. Hugues, l'étape déjà franchie par l'entrepreneuriat, vous êtes satisfait en tant que formateur? Non, je ne suis pas satisfait. Mais j'aimerais dire que dernièrement, le ministère de la jeunesse et sport, de la jeunesse et sport, de la culture, je sais pas, avait initié un appel d'offres pour les jeunes qui ont des projets. Les 5 premiers projets, ils étaient promis d'avoir, je sais pas, 10 000 CFA comme ça. Je ne sais pas la suite de ces projets, mais j'aimerais remercier cette étape, cette initiative du ministère de la jeunesse et culture. C'est vraiment une étape à remercier et aussi à encourager. Il faut qu'il y ait d'autres appels d'offres pour ces projets pour encourager d'autres jeunes à faire comme ça. À part, donc c'est déjà un ministère, on dirait, qui s'est déjà engagé. Une contribution devrait venir d'où, à part le ministère? Y aurait-il une autre contribution que vous pourrez donner ici dans notre émission? Je dirais que ma contribution pour cette question, je dirais que j'aimerais encourager tout jeune. Il faut qu'il prenne l'entrepreneuriat, non pas comme une deuxième réponse aux besoins ou bien à leur emploi, mais qu'ils prennent l'entrepreneuriat comme un système qui peut les aider à devenir riches, à subvenir à leurs besoins, à même Je dirais comme ça. Mm-hmm. Okay. Qui pourrait contribuer concrètement au développement de l'entrepreneuriat? Oui, oui. Mm-hmm. Vous, Émile, qui pourrait contribuer au développement de l'entrepreneuriat ici au Burundi? Normalement, moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait mes... Je viens de faire donc mes formations aux États-Unis, mm-hmm. où j'ai eu la chance vraiment de travailler avec les grands entrepreneurs, les donc internationaux. Est-ce que, oui, tout donc, d'abord, oui, en parlant de cette formation, oui. la réalité de là-bas, ça coïncide avec celle qu'on est en train de vivre, où vous avez dû non, normalement, faire le management entre les deux? Non, l'entrepreneuriat s'adapte au contexte de la mm-hmm. localité. Mm-hmm. Ce qui est fait aux États-Unis, ce mm-hmm. n'est pas ça qu'on doit amener au Burundi, mm-hmm. mais... La manière dont on a conçu les idées mm-hmm. qui ont été viables et fiables et efficaces mm-hmm. aux États-Unis, c'est la même méthode qu'on doit utiliser pour concevoir les idées qui sont adaptées à notre contexte. Mm-hmm. Ça veut dire que ceux qui sont donc qui doivent être impliqués dans le système de donc de, pour le développement de l'entrepreneuriat, mm-hmm. c'est tout le monde. Mm-hmm. Parce que si tu essaies de voir vraiment, l'entrepreneuriat c'est un système où on a besoin pour que on développe de l'entrepreneuriat. On a besoin de la culture entrepreneuriale mm-hmm. là où on cherche à développer l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Donc, l'entrepreneuriat, la culture, c'est un peu différent. Mm-hmm. Donc, il y a ce qu'on appelle le système, mm-hmm. l'écosystème pour l'entrepreneuriat. Mm-hmm. C'est là où on montre normalement comment la population, donc chaque individu, comment l'État, comment les organisations de la société civile, comment les entreprises, comment les médias doivent être ensemble pour contribuer au développement de l'entrepreneuriat. Mm-hmm. C'est ce qui manque au Burundi. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas vraiment cet écosystème qui favorise le développement de l'entrepreneuriat. Oui, mm-hmm. et moi, donc, ça a été mon engagement. Mm-hmm. Je suis ici, donc, de mon retour, et moi, c'est moi. Mm-hmm. Je travaille à développer un écosystème pour voir comment je peux commencer à développer cet écosystème et amener les gens à être ensemble pour discuter de l'entrepreneuriat, pour travailler sur l'entrepreneuriat et voir comment vraiment on peut vivre mm-hmm. de l'entrepreneuriat, non pas parler de l'entrepreneuriat, mais le vivre. Mm-hmm. Hugues, à travers vos réflexions, à travers vos contributions, on peut comprendre que l'entrepreneuriat est une opportunité pour les jeunes. Mm-hmm. Quel message pourriez-vous lancer à l'endroit des jeunes qui voudraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat? J'encouragerais chaque jeune qui pourrait, bien, qui a cette ambition d'entreprendre un nouveau projet. Mm-hmm. Je dirais que c'est un chemin vraiment bon. Mm-hmm. C'est un chemin qui peut apporter non seulement à la contribution de sa propre vie mm-hmm. mais aussi à la vie dans tout un pays. Mm-hmm. Donc je dirais que vraiment, il faut à tout prix qu'il soit encouragé mm-hmm. et qu'il soit aussi courageux pour initier toutes sortes de projets pour améliorer ou bien pour arriver à ses fins. Que le capital ne soit pas un handicap pour commencer. Oui, je mm-hmm. dirais oui, qu'il doit y avoir d'abord une idée. Mm-hmm. Et après cette idée, il doit à tout prix se démerder ou bien chercher avec ses propres forces mm-hmm. le capital pour initier ce projet. Il faut à tout prix commencer par un petit capital. Par après, il y aura. On va se développer. Oui. Mm-hmm. Émile, oui. c'est une opportunité, on l'a bien compris. Mais quel message faudrait garder de cet échange? Donc, le message que je vais donner, c'est que d'abord, au Burundi, on ne manque pas quoi entreprendre. Mm-hmm. Et on ne manque pas qui peut aider les gens à entreprendre. Mm-hmm. Donc, on manque sûrement la capacité, volonté. Donc, mm-hmm. les gens ne maintiennent pas leur volonté mm-hmm. et ne se donnent pas à l'entrepreneuriat comme il le faut. Mm-hmm. Sinon, c'est une opportunité qui peut nous aider, non pas seulement à créer de l'emploi, mais aussi à contribuer en grande partie à la hausse de l'économie du pays. Mm-hmm. Donc, il faut que les gens quand même s'y mettent, mais mm-hmm. en cherchant à comprendre comment le faire normalement et professionnellement. Mm-hmm. Oui. Et le capital, que ça ne soit pas une raison, un frein? En général, le premier capital, c'est l'intelligence, c'est donc le capital humain mm-hmm. qui est composé de l'intelligence et de la force. Mm-hmm. Et avec l'intelligence et la force, donc, tu amènes l'autre capital qui est de l'argent et le matériel mm-hmm. qui vient, donc, qui est conditionné par la manière dont tu as utilisé ton intelligence et ta force mm-hmm. dans la conception et mm-hmm. dans la présentation de ton idée. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci, vous aussi. Merci. Merci à tous les auditeurs qui nous avaient suivis. On était en train de parler de l'entrepreneuriat et des jeunes parce qu'on a compris que l'entrepreneuriat présentait des opportunités à l'endroit de ces jeunes. Emile Mwezoa Mungu, merci d'avoir répondu à notre invitation et on espère que la formation que vous avez eue aux États-Unis va être bénéfique à l'écosystème que vous aviez déjà développé. Oui, merci vous aussi. N'hésitez pas à nous appeler. Nous avons beaucoup à partager avec donc les auditeurs de la radio Isanganiro. Mm-hmm. Merci à Hugues Rudemecha qui est comptable de formation et qui suit de près l'entrepreneuriat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci également à Toussaint Mitewo aussi qui assurait la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Alidanda Ikeza. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la suivre sur notre site de la radio www.isanganiro.org ou sur la page Facebook de notre émission qui est Forum Jeune/Radio Isanganiro. À la prochaine.